fazia paz, não fazia mono. Para mo papá fazia paz, não fazia mono. Para mo choro da mapani, choro da mapani, choro da mapani yo. A cause de la jeune fille na biropa, na colosona. Parce que jeune fille n'a biropa, ça craquera tout, ça craquera tout, ça craquera tout, énormément. Mariam, on a coho, on dit coloso, et puis qu'on a kakirili. Akisi, on a coho, on dit coloso, et puis qu'on a kakirili. Ariette, na coloso nao, on dit coloso, et puis qu'on a kakirili. Paramoro, chômage est là-haut, Abidjan, na technique. Colonna fan, na colofan, colonna fan, na colofan. Paramoro, colonna fan, na colofan.